Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale, mardi 3 avril, avec moi à l'émission aujourd'hui, Ludovic Martin. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Kevin. Je sais pas si t'aimes mon choix musical ce soir. Je dois avouer que j'étais plus harmonium que Beau Dommage, mais Beau Dommage c'est bien aussi. Ok, ben oui c'est ça, c'était quand même bien, mais ce soir on va commencer l'émission avec les Québécois à l'étranger. Comme vous pouvez voir à l'écran présentement, la saison est à la fin en Europe, en pleine effervescence, je dirais même en Amérique du Nord, en USL et surtout même en MLS si on regarde les exploits de Zlatan et d'autres grands noms présentement en Amérique du Nord. C'est toute une saison. Mais Ludovic, commençons cette semaine par les Québécois à l'étranger. Quelle est la performance qui retient ton attention jusqu'à présent depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Si on parle de performance, pour moi, ce qu'il faut souligner en particulier, c'est le retour au jeu de André Henault. Henault était blessé un genou, a joué deux matchs, je crois, l'an passé, dans la saison 2016-2017. Mettons dans tout 2017, parce que la blessure s'était faite à peu près à la mi-saison. Il a joué seulement deux matchs. Il avait joué un match au début janvier ou fin décembre, je ne me rappelle plus. Puis il était encore blessé. Il est revenu au début du mois de mars. Et il a même été nommé sur l'équipe de la semaine, une semaine au mois de mars. Et avec son club de Magdeburg aussi, ça va très bien. Ils sont au deuxième rang en troisième division en Allemagne avec de bonnes chances d'être promus. Puis c'est une partie importante de l'équipe. À partir du moment où il est revenu, il s'est retrouvé comme partant. Alors c'est vraiment intéressant pour lui. Je suis content pour lui parce que c'est un gars qui a travaillé fort pour se rendre où il est. Puis sa blessure, c'est quand même une blessure sérieuse qui n'a pas été facile de revenir. Puis de voir qu'il réussit à reprendre sa place comme ça, c'est vraiment intéressant. Et André Henault, c'est un nom qui ressortait lorsqu'on voyait les troubles défensivement de l'Impact au début de saison avec les blessures. Et c'est un joueur qu'on disait, bon, mais on peut toujours aller voir peut-être du côté d'André Henault s'il serait tenté d'un retour. Ça n'a pas arrivé, mais au moins content d'apprendre qu'au moins de retour au jeu pour André Henault. Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle pour lui pour la suite de sa carrière parce qu'il a quand même encore 31 ans, il a du bon football encore à donner pendant quelques saisons. Puis s'il peut se retrouver en D2 en Allemagne l'an prochain, c'est extrêmement intéressant pour lui aussi. Alors on va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Ouais, en Bundesliga 2, ça commence à être... C'est très sérieux. Oui, c'est ça exactement. C'est pas équivalent du Championship en Angleterre parce que c'est quand même d'un très haut niveau comme deuxième division, mais c'est quand même un haut niveau pour une deuxième division. C'est de meilleur niveau que la Série B, mettons, en Italie. Ben, surtout qu'il y a moins de clubs en première division en Allemagne. Alors, les clubs qui sont en deuxième division sont un petit peu mieux qu'ailleurs. Surtout que si tu compares avec le Championship, où il y a 24 clubs en Championship, quand tu arrives dans les clubs 18, 19, 20, c'est pas très fort. En Allemagne, ben c'est 18 clubs en première division, 18 en deuxième aussi, si je me rappelle bien. Alors, ça rehausse le niveau un petit peu, c'est certain. Et puis, il y a aussi des clubs qui sont extrêmement bien supportés en D2 en Allemagne aussi, où il y a des foules assez impressionnantes. Alors, c'est certain que c'est intéressant. Ensuite, si on reste en Europe, qui a attiré mon attention, l'ancien de la PLSQ, Shakib Hossin, qui a signé au mois de janvier avec Ekranas, ou EIF, un club de deuxième division en Finlande, était en Coupe de Finlande parce que là-bas, ils jouent la Coupe au début de la saison. La semaine passée, ils ont battu AK, un autre club de deuxième division, en quart de finale 2-1. Puis ce matin, ils jouaient contre l'Inter Turku, qui est un club de première division, un excellent club. Malheureusement, ils ont perdu 5-0. Alors, leur aventure en Coupe de Finlande est terminée, mais la saison commence bientôt. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller. Ça va donner un peu aussi une idée de pouvoir comparer la PLSQ, le niveau, l'Europe, parce que c'était un bon joueur en PLSQ avec CSMRO, entre autres. Puis j'espère que plus de joueurs auront ce genre d'opportunité-là aussi de la PLSQ. Un peu à l'image de ce qui se fait en League One Ontario, il y a quand même à chaque entre-saison des joueurs qui font le saut en Europe dans des divisions peut-être un peu moindres, mais où on fait du bon football quand même. Et la Canadian Premier League qui va débuter en 2019 aussi va être une option pour ces joueurs aussi issus de la PLSQ. Donc. Oui, on espère, c'est certain. Après, reste à voir s'il y aura bel et bien un club au Québec, ça c'est une autre histoire, mais oui, c'est certain qu'on espère que ça se passe bien. C'est toujours la question. Hein. Et aux dernières nouvelles, pour ceux qui voudraient savoir, c'est toujours une des difficultés de la Canadian Premier League, c'est de trouver des groupes intéressés soit la région de Québec, soit la région de Trois-Rivières. Présentement, il n'y a pas nécessairement d'offres et d'organisation ou de pourparlers sérieux. mais il y a toujours des possibilités si on regarde à Québec avec les Tanguay de ce monde ou les Trois-Rivières ou même les Laval avec les possibilités avec maintenant la place Belle et tout. Donc, avec les terrains adjacents pas trop loin, qu'il y avait quelques milliers de personnes qui peuvent au Montmorency, des choses comme ça. Il y a des choses qui pourraient être arrivées un jour. Mais continuons avec nos Québécois à l'étranger. Oui, pendant qu'on est en Europe, on va continuer en Europe, en France, mais du côté féminin, cette fois-là. La saison tire à sa fin, il reste 4 matchs à jouer. Il y a 4 Québécoises en première division, Ariel Roy, Petit Clair et Gabrielle Lambert avec Albi. Albi est 10e sur 12, c'est les 11e et 12e qui sont relégués automatiquement. Avec 16 points, un seul point devant Rodez qui est 11, qui est derrière eux. Et puis leur prochain match, c'est contre Rodez justement. Alors c'est le week-end prochain, ce sera très important d'avoir une bonne performance si on veut assurer le maintien. Une défaite serait catastrophique, surtout que Albi joue encore, si je me rappelle bien, contre Montpellier ou Paris Saint-Germain, après un club difficile. Ensuite de ça, du côté de l'OM, il y a Geneviève Richard et puis Marie-Yasmine Alidou d'Anjou. L'OM est 12e sur 12, avec 12 points. De rester en D1 est encore possible avec 4 matchs à faire, mais encore là, disons qu'avec Rodez devant eux, ça aiderait si Albi battait Rodez, au moins passer un rang. Mais oui, eux aussi ont des adversaires coriaces devant eux. L'OL, si je me rappelle bien, et puis le PSG. Alors, parce que la première division en France, t'as l'OL, le PSG et puis Montpellier qui dominent outrageusement. Puis après ça, c'est assez serré pour les 9 autres clubs. Quand même surprenant que l'Olympique de Marseille, l'OM, soit dernier Mais je crois que Marseille n'a pas vraiment mis beaucoup de moyens dans le côté féminin de son club de foot. Tout simplement trop occupé avec la rénovation du Vélodrome. Exactement, le Vélodrome, c'est ce que j'allais dire. Ouais, non, mais il est très beau, par exemple. C'est un de mes top 10 stades d'Europe. Oui, c'est certain, mais après, si tu veux un bon club féminin, il faut que tu y mettes des ressources. D'ailleurs, c'est un peu... Albi est un club complètement différent, alors que les femmes sont en première division. Puis les hommes à Albi sont en 4e ou en 5e division. Alors, c'est les femmes. C'est intéressant de voir un club comme celui-là qui réussit à s'en tirer en première division, puis de survivre tant bien que mal alors que les moyens sont vraiment, vraiment limités. Parlant de soccer féminin, juste prendre une seconde, Ludovic, pour rappeler à nos spectateurs que maintenant, en 2018, la PLSQ féminine existe. Et le premier match est dans quelques semaines seulement au Centre Bois-de-Boulogne, à Laval, ARS Monteuil, sera l'hôte et une des équipes impliquées lors du premier match de la PLSQ féminine officielle. Et Ludovic, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que j'en parle, puis je suis bien content que finalement, ça commence d'ici un mois. Oui, j'ai hâte moi aussi de voir ce que ça va donner. C'est certain que je vais essayer d'aller voir un match ou deux selon les horaires que j'ai. Mais oui, c'est une excellente nouvelle pour nos joueuses d'ici. Surtout que c'était difficile après la disparition du club de Laval et de Québec qui était en W League qui est disparu. Alors c'est une bonne nouvelle. On espère que le soccer féminin va continuer d'avancer ici puis qu'il y aura d'autres joueurs comme Ariel Roy, Praticlair, Gabrielle Lambert, Geneviève Richard, ainsi de suite, qui vont pouvoir se servir d'une ligue comme la PLSQ aussi pour faire valoir leur talent puis continuer une carrière à un niveau encore plus élevé. Oui, exactement. Ils continuent leur carrière et continuent aussi peut-être leur opportunité scolaire aux États-Unis, surtout. Oui, c'est certain que pour les filles, le football universitaire est extrêmement important. D'ailleurs, je suis à peu près certain que toutes les filles que j'ai nommées ont passé par là. Gabrielle Lambert, pas aux États-Unis, au Canada, par exemple, mais c'est une excellente option aussi. Je crois qu'elle était à Trois-Rivières ou quelque chose comme ça. Mais en D2 française, justement, il y a... Là, j'ai un blanc de mémoire, j'oublie son nom. Valérie Sanderson avec Metz, qui a gradué et qui est allée en D2 et est la meilleure buteuse des D2. Et Metz risque d'être promue en première division l'an prochain, en grande partie grâce à ses buts. Alors, c'est très important aussi pour les filles. C'est une belle vitrine que le soccer universitaire américain. Est-ce qu'il nous reste quelques Québécois encore sur le vieux continent, Ludovic? Y en a d'autres, mais pas personne qui a attiré mon attention en particulier. Si ça te dérange pas, j'irai vers la USL où la saison a débuté il y a 3 semaines à peu près. Allons-y. Oui, bon, il y a plusieurs Québécois en USL, dont 5 avec le Fury d'Ottawa. Malheureusement, Ottawa n'a joué qu'un seul match cette saison à date parce que le match à Toronto ce week-end a été annulé pour protéger le terrain pour le match Pour de Toronto Toronto, ce ouais. soir, présentement contre América. Et puis, Exactement. aucun des Québécois a joué ce match. Maxime Tissot était blessé. Et puis ensuite, les autres, Maxime Crépeau, Jimmy Sannon, Thomas Meyer-Giguère et puis Gabriel Balbinotti. Aucun d'entre eux n'était en uniforme non plus. Alors, ça a mal commencé pour eux. Maintenant, c'est qu'un match, alors on ne tirera pas de conclusion là-dessus, mais il reste que ce sera. Il y a beaucoup de compétition à Ottawa, alors ce ne sera pas facile pour ces joueurs-là d'avoir des minutes. Je pense entre autres à Maxime Crépeau, alors Ouais. que les trois gardiens d'Ottawa sont trois gardiens de qualité. Crépeau, Irving, qui avait joué tous les matchs l'an passé et qui n'a pas été mauvais. Puis le troisième, ben, le troisième, il n'y a pas le dernier, mais c'est pas nécessairement dans l'ordre Ouais. qui est la hiérarchie. C'est David Monsalve qui a déjà joué au TFC, qui a joué au Guatemala, en Colombie, en Finlande. C'est un gars qui a de l'expérience, qui a du vécu et puis qui n'est pas mauvais non plus. Alors, pour Crépeau, hein, c'est compliqué un peu. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Puis, Et il a David Pomé? 23 ans, c'est le plus jeune des trois aussi. Alors, peut-être que c'est plus pour le futur. Il Est-ce que je faudra me voir. demandais si David Pomé est encore dans le décor à Ottawa aussi? Non, non, non. Son contrat n'a pas été renouvelé. Je ne l'ai pas vu avec personne nulle part. Je ne sais pas exactement où il va se retrouver, s'il est encore dans le football ou pas. C'est à voir, peut-être en PLSQ ou Ouais. quelque chose du genre. Mais on parle d'Ottawa, c'est un partenariat qui est intéressant quand même entre Ottawa et Montréal. Il y a quelques joueurs qui ont été prêtés cette année, plus surprenants que d'autres. On parle au Salazar et d'autres de l'équipe première, mais les joueurs canadiens, les joueurs québécois avec Ottawa, quand on parle de Maxime Crépeau, on s'attendait peut-être à avoir plus de temps de jeu, que ce soit plus facile, mais finalement Maxime se retrouve dans la même maudite situation qu'il était à Montréal. Ben des goalers pour pas beaucoup de temps de jeu. Oui, ben, je crois qu'il y a peut-être quand même plus de chance, mais après, c'est parce que contre Bush, l'an passé, c'était clair qu'il n'allait jamais être premier. Les saisons avant, hein, il y avait tout le temps deux vétérans devant lui. Tandis que là, si on regarde les gardiens qui sont avec lui, oui, c'est des bons gardiens, mais c'est trois gardiens qui ont un niveau similaire, admettons. Alors, c'est à lui vraiment de se démarquer, le coach d'Ottawa, l'embarras du choix, mais c'est à Crépeau de tirer son épingle du jeu. Si t'es pas capable de prouver. De montrer au coach que tu es capable que tu mérites de jouer, alors c'est certain que tu vas rester sur le banc à un moment donné. Il faut pas que ce soit un acquis. Alors, il y a beaucoup de travail devant lui. On va voir comment il va réagir. Après, toujours en USL, il y a Carl Wimette, qui était avec les San Francisco Delta en NASL l'an passé, qui est maintenant avec Indy 11. Indy 11 a joué deux matchs. Wimette a été partant les deux fois. Alors, à 25 ans, il continue sur sa lancée d'être partant en Amérique du Nord. On espère que la saison va bien aller pour lui. Sinon, d'intéressant à USL, bon, Alessandro Riggi avec Phoenix a joué comme remplaçant deux des trois matchs de son club. Mais celui qui attire mon attention à Phoenix, c'est le jeune Luca Ricci, qui a 20 ans. C'est le premier joueur qui sort de l'académie, qui joue en USL sans être passé par le FC Montréal. Tous les autres joueurs, que ce soit Cacher, Jimmy Sannon, Thomas Meyer-Giguère, Marco Dominguez, tous les autres joueurs étaient passés par le FC Montréal. Lui, il est parti directement de l'académie à la USL dans un club autre. Puis Et il a juste joué son mentionner. premier match la semaine passée. Alors, c'est intéressant de voir que même s'il a pas le FC Montréal, on est capable de placer des joueurs québécois ailleurs. En effet, et le cas intéressant de Luca Ricci, c'est aussi Luca Ricci, c'est que ses droits MLS appartiennent toujours à l'Impact de Montréal. Donc, Oui, pour une exemple, saison, oui. pour une saison. Donc, exemple, un cas extrême, le gars devient en feu, est rappelé, ou besoin d'un joueur, ou simplement. L'Impact veut le revoir, mais il est encore dans le giron de l'Impact aussi, côté MLS pour ses droits. Oui, mais de toute façon, Phoenix n'est pas affilié à aucun club de MLS. Alors, après, il y a probablement un contrat d'une saison là-bas ou s'il est en prêt, je ne suis même pas certain. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est intéressant pour l'Impact aussi de voir qu'on est capable de placer des joueurs comme ça plus jeunes, puis qu'ils sont capables d'avoir du temps de jeu. On va voir comment la saison va se dérouler pour lui, mais c'est certain qu'à un moment donné, il risque d'avoir d'autres opportunités parce que des joueurs seront blessés ou des choses comme ça. Puis le dernier qui est intéressant de suivre aussi, ben, c'est le dernier tout court, hein, c'est Masta Kacher qui est Oui, maintenant avec le Real Salt Lake. Monarchs, qui est le club affilié de Real Salt Lake. Bon, à 22 ans, il a été partant Il était pas en uniforme, je crois, au premier match où il a pas joué, mais là, il était partant au deuxième match. Alors, et l'an passé, il a eu une excellente saison avec les Switchbacks de Colorado Springs. Il a marqué 7 buts. On espère qu'il va avoir une saison similaire puis qu'il va être capable de se faire une place avec le club de MLS. Ce serait très intéressant pour lui. Ouais, déjà, mettons que Sartek a un petit peu de misère cette année aussi. Si on va voir Mike Petke, surtout, vendredi dernier à Toronto, un 22 secondes d'anthologie, si vous êtes capable d'écouter ça, vous allez l'entendre sûrement demain sur Soccer Today, mais Mike, t'étais pas content après Toronto. Je serais pas surpris de voir Mastakacher un jour avoir une opportunité avec RSL, mais si vous suivez pas Mastakacher sur les réseaux sociaux, je vous suggère de le faire tout de suite. En même temps, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne iTunes et Apple Podcasts. Mais pour suivre Mastakacher, vous allez voir, découvrir les environs de Salt Lake. Et Ludovic, je dois dire, toi qui es un fervent de voyage et fervent de photographie aussi, Salt Lake City avec la grandeur des bâtiments, la grosseur des vitraux, des églises et des bâtisses et des montagnes ensemble avec la neige éternelle, c'est un bel endroit à voir en photo en tout cas. Je suis certain que c'est une très jolie ville. C'est dans ma to-do list, mais ma to-do list est très longue, alors on n'en parlera pas ici. Le carnet de voyage est intéressant aussi, dans le cas de tous ces Québécois-là, mais surtout ceux qui jouent dans le club américain, mais non, c'est pas vrai, surtout dans le cas de Cacher, d'ailleurs, c'est que il pourra jouer avec Salt Lake quand il y aura des matchs de US Open Cup, un peu comme certains joueurs qui n'avaient pas de contrat avec l'Impact, comme David Chouinard avait fait en championnat canadien. Alors j'ai hâte de voir si c'est le genre de choses qui va arriver, si Mike Petke pourrait lui donner une chance à ce moment-là. Ce serait très intéressant pour lui. Alors j'ai hâte de voir ce qu'il va en être, surtout à ce niveau-là. David, j'ai une petite surprise pour toi. Je voudrais terminer le segment Québécois à l'étranger avec un qu'on pense pas en tant que Québécois, mais oui, grandi en région de Pointe-aux-Trembles durant les plusieurs dernières années. On pense ici à Balotelli à Barcelone, avec Barcelone B, mais aussi avec un certain Léo Messi. Léo Messi, oui, il pratiquait avec un certain Léo Messi. En tout cas, ça a l'air qu'il est bien connu. Louis Suarez aussi, ça a l'air. Mais c'était, quelle aventure ce Balou. Oui, c'est vraiment intéressant de voir à quel point cette évolution-là est rapide de passer de l'Impact à Barcelone, puis... à la réserve de Barcelone, mais de s'entraîner avec les réguliers plusieurs fois, puis de jouer les matchs avec la réserve, mais de jouer aussi avec les jeunes en Ligue des Champions. Oui, je crois qu'il va nous surprendre, puis qu'il est très bien parti. C'est juste malheureux qu'on n'ait pas pu le voir plus ici à Montréal, là, égoïstement un peu. C'est certain que quand tu as un joueur de ce talent-là, tu veux le voir... plus que ce qu'on a vu, parce qu'on ne l'a pas vu tellement. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. On aurait aimé ça le voir, le Québécois, à la maison. Mais on va se contenter du Québécois. Mais on est content de ses succès à l'étranger. Exactement. Voilà. Avant qu'on termine l'émission pour ce soir, Ludovic, l'Impact de Montréal, 2 défaites pour commencer la saison. Maintenant, 2 victoires de suite. 2 fois 1-0, une fois contre Toronto. Et cette fin de semaine, une victoire impressionnante à Seattle aussi. Est-ce que l'adaptation de Rémi Garde durant ces 4 matchs t'a surpris un peu? Je trouve que je suis un peu surpris. Je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être plus d'hésitation de face à l'inconnu qu'est la MLS ou quoi que ce soit. Mais non, je le trouve décisif. Je trouve qu'il prend des bonnes décisions, comme de changer le schéma tactique avant le match de Toronto. Si on pense un peu à l'an passé, là, des matchs de 1-0, on en a beaucoup plus perdu qu'on en a gagné. Hein. Alors là, d'en gagner 2 de suite par un score comme ça, ça montre que c'est une équipe sérieuse qui fait bien les choses. Je suis vraiment surpris. Puis ce qui est bien aussi, c'est de voir que même si ça a été difficile au niveau du recrutement, on a réussi à s'améliorer en mars, parce que si on en avait parlé au mois de décembre, fin décembre, début janvier, après les signatures de Diallo, puis de toutes celles qu'il y avait eu à ce moment-là, c'était mince, hein, l'effectif. Alors qu'on ait rajouté Camacho, Fanny et puis Silva, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir la suite de tout ça, parce que je crois qu'on est sur la bonne voie. Ben, la suite, c'est vendredi soir à 19h30. Heure de l'Est, en provenance de Foxborough, de la région de la Nouvelle-Angleterre, en banlieue de Boston. contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Et j'ai ma petite théorie du complot cette semaine pour toi, Ludovic. On sait que Lee Wen veut se faire échanger depuis très longtemps, depuis leur saison. Et on sait que Montréal était une des équipes en discussion et en discussion avancée avec le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. En sachant que notre cinquième partie de la saison était contre l'autre équipe, est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait une petite entente en coulisses qui dit « OK, on va jouer contre, on le fera pas jouer contre vous autres, on va l'échanger après, comme ça vous le ferez pas jouer contre nous autres, puis comme ça on va avoir un échange puis on a une entente peut-être. » Ah, je sais pas, peut-être. J'avoue que j'avais pas pensé à ça. Est-ce qu'il y a vraiment encore de la place pour lui ici à Montréal? Je crois que oui. Après, au niveau budget aussi, mais ça dépend toujours ce que la Revolution demande. Mais c'est une bizarre équipe pour moi, la Revolution. Pas tellement sur le terrain, mais en tant qu'organisation avec un propriétaire qui a des poches profondes comme ça se peut pas. Mais bien. Et une équipe dont il se fout éperdument. Exactement. J'ai beaucoup de misère avec ça. T'as des poches profondes. Oui, c'est pas le fait qu'ils sont profondes le problème. C'est le fait qu'elle est cousue en haut, fait que t'es pas capable d'aller chercher l'argent. C'est ça le problème. Ben, c'est que c'est pas une priorité. D'ailleurs, c'est un peu, on parlait de la possible Canadian Premier League. C'est un exemple un peu négatif de ce qu'on pourrait, j'espère qu'on verra pas, mais en Canadian Premier League, alors qu'un club de Ligue canadienne de football pourrait avoir aussi être propriétaire d'un club de Canadian Premier League, mais ne pas vraiment s'en occuper juste pour remplir le stade une quinzaine de fois de plus par année. J'espère que c'est le genre de choses qui arrivera pas parce que c'est un exemple vraiment à ne pas suivre. Genre à Winnipeg, là, parce que c'est le déjà le cas. J'espère que ce genre de choses-là n'arrivera pas. En passant, Hamilton et Winnipeg, ce seraient les mêmes propriétaires que les propriétaires de l'équipe de la CFL. Ils joueraient dans les stades. C'est la même chose. C'est la même chose, le stade est vraiment beaucoup trop gros pour ce que le Revolution attire. Foxborough, c'est beaucoup trop loin de Boston pour un club de foot. Montréal a eu Drogba, Chicago a eu Schweinsteiger, à Los Angeles, on a Ibrahimovic, mais à Nouvelle-Angleterre, on n'a jamais eu un joueur comme ça. Puis même là. À Montréal, a Pietti, il y a Diego Valeri à Portland, Martinez à Atlanta. Même chose, la Nouvelle-Angleterre n'a jamais eu non plus de joueurs comme ça. C'est un club qui... c'est un club qui est négligé, mais pas par son propre propriétaire. Donc, c'est vraiment désolant, d'ailleurs. On va finir là-dessus. Tu as mentionné Zlatan. Est-ce que ça t'a surpris samedi? Vraiment, c'était tout un match. On parle de Zlatan, de ses deux buts, le but égalisateur, le but gagnant. Là. Mais le match LA-LAFC, c'était tout un match 4-3, du spectacle. Oui, absolument. Pour le spectateur neutre, c'est tout un match pour les coachs. C'est tout un match, mais c'est pas bon pour le cœur. Hein? Pour Bob Bradley, pauvre Bob. Il était tout content. Ouais, 3-0! Oh non! Ouais, 4-3. Non, ben, est-ce que je suis surpris? Non, tout le monde sait que Zlatan avait du talent. C'est pas nécessairement ça qui me surprend, c'est que c'est d'arriver aussi vite, puis d'être aussi marquant aussi vite, parce que c'est bien beau, là, mais il a pas joué de match depuis quoi... 8 mois, 10 mois, et t'arrives et à tes premières 20 minutes, tu marques deux buts, dont un absolument. Même les deux sont spectaculaires, mais la reprise de volée de la moitié de terrain, presque, c'est ahurissant. C'est sa première touche de balle. C'est contre un gardien des MLS qui... Ouais, mais peu importe qui est devant toi comme équipe, peu importe la peau, le geste est incroyable. C'était sa première touche de balle en MLS. C'était cette volée-là. C'est incroyable. Ouais, il a touché au ballon deux fois à date. Là. Deux fois, c'est deux buts. Non, ça m'a surpris aussi. Puis je voulais glisser quelques mots sur le phénomène quand même que Zlatan est en MLS. Alors, vendredi soir, encore une fois, 19h30, l'Impact de Montréal voyage à Nouvelle-Angleterre pour s'affronter contre le Revolution. C'est le dernier match du début de la saison. Il y en avait 4 sur 5 qui étaient sur terrain artificiel. Celui-là ici, c'est le quatrième des cinq premiers matchs. Maintenant, ensuite, on retrouve le bon vieux gazon naturel pour quelques mois. Et la vraie saison, le Stade Saputo, ça s'en vient très bientôt. Excellent. J'ai hâte de pouvoir y aller personnellement pour voir les matchs. Ludovic, merci beaucoup pour ton temps encore une fois aujourd'hui. Ben, merci à toi, Kevin. Vous pouvez suivre Ludovic sur les réseaux sociaux, @ le Kurosawa sur Twitter, moi-même, @KevLaramé. Et l'émission sur Transversal, sur Transversal. Et jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, bon soccer!